Sale saloperie, salope de merde, ouf, yasné pour mourir. French kick salope, néochrome salope, sucez-moi bien tant que je respire. Sale salope, tu vas sucer jusqu'à mourir, tu vas boire jusqu'à mourir. ALKPOTE, la crème du 9-1, bande de putain. Ok. Nouvel épisode, frère, je danse avec les loups comme Kevin Costner. Chaud de l'hélicoptère, on est libre comme l'air, on évite son père. Néochrome, une équipe hors pair, les mômes déplient le poster. Réti corner, coup franc, penalty, j'ai mis le mode guerre. Dehors, c'est la merde, je vais lire Voltaire. Excite votre mère, gangster parisien, par un tunisien qui t'envoie en l'air, sale petit chien. Vlad la tuerie, sale abruti, mes malfrats punis, cette frappe comme dans Fatal Fury. T'auras pas la même 09 que Carla Bruni. Ressens les odeurs ici, balère, arba brûle vif. C'est pour les voleurs. Grand déconneur, ceux qui t'éclatent l'anus, ceux qui regardent Canal Plus sans décodeur. Voilà. Rechercher le bonheur, l'apaisement. Chouris même si j'ai pas de belles dents. Oh Mike, c'est un harcèlement. C'est néochrome salope, French kick salope, ALKPOTE, sale salope. Ténébreuse clique salope, Wardou t'essayes salope. Ténébreuse U2F, sale salope. Ténébreuse U2F, mon groupe de légendes, dopé par le passé, dans le futur ou le présent. Écoute, je représente. Pour mes pirates, je cours jeter l'encre. J'ai l'amour de mes gens, si mes coups te dérangent. Lèche nos boules de pétanque et goûte le mélange pour te détendre. Effectue moult dépenses, faut que je double les grands noms que la qualité booste mes ventes, moi je souffre vraiment. Je trouble les fiantes dans ce rap jeu. Je suis trop dégueulasse, trop crasseux. Après une dizaine garde à vue, je veux grossir comme Michel Galabru, officiel gars de la rue. Voilà. J'offre le petit déj à ta pute de bon cœur. On saute sans parachute, c'est hoche, on séquestre les pompeurs. 10 ans drapeau compteur, on t'emmène dans les profondeurs des ténèbres. Toute façon, faut qu'on meure, suceur. C'est néochrome salope, French kick salope. ALKPOTE, sale salope. Ténébreuse clique salope. Wardou t'essaye salope. Ténébreuse U2S, sale salope. Pour moi, Had Long Jumeau, sale salope. Wad Max, sale salope. Evry pour couronner son, sale salope. Sucez-moi bien tant que je respire, sale salope.